Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et Futur Simple poursuit sur le thème de la transition. Une double transition qui est celle de la transition numérique et de la transition écologique. Alors, la transition numérique est souvent présentée comme porteuse de solutions pour réaliser la transition écologique, mais en même temps, les usages numériques n'ont rien de virtuel et ont une empreinte écologique qui ne fait qu'augmenter. Alors, la transition numérique et écologique est-elle possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Martin Deron. Il est chargé de projet du défi numérique au sein des Chemins de transition, une initiative de l'Université de Montréal et d'Espace pour la vie. Bonjour Martin. Bonjour. Alors Martin, avant d'entrer dans le détail de cette transition numérique, j'aimerais que vous me présentiez ce que c'est que ce projet Chemin de transition. Oui, bien sûr. Donc, vous l'avez dit, c'est un partenariat entre l'Université de Montréal et Espace pour la vie. Puis l'objectif initial là, de ce projet, c'était vraiment de pouvoir engager la communauté universitaire aux côtés des autres forces vives de la société, un petit peu rassembler l'ensemble de ces acteurs-là. Pour pouvoir tracer collectivement des chemins qui sont les plus porteurs, on espère, vers un avenir plus soutenable et plus désirable. Donc, c'est pas un projet de recherche en tant que tel, au sens pur. Là, c'est un projet de mobilisation et de partage de connaissances. Donc, mobilisation parce que on va chercher une diversité de savoirs qui sont existants, des savoirs académiques, mais aussi des savoirs professionnels, des savoirs citoyens, les mettre en dialogue justement, aller solliciter la participation d'acteurs qui sont très différents, et partage de connaissances parce que le but, c'est pas juste de faire des rapports universitaires, c'est de pouvoir faire évoluer toutes ces connaissances, pouvoir développer des supports pour qu'on puisse se les approprier au sein de la société. Voilà, exactement. Ouais. Puis c'est intéressant de voir effectivement que c'est des solutions à des chemins qui sont mis en place, pas seulement par les universitaires, mais un peu par différents secteurs de la société pour qu'il y ait plus de probabilité que chacun s'approprie des petits morceaux de ce chemin. Exactement, c'est le but. Donc ce grand projet il se divise en trois défis. Donc il y a le défi numérique, il y a celui de l'alimentation et celui du territoire. Donc là, on va se concentrer avec vous, Martin, sur le numérique, le chemin de la transition numérique. Donc j'aimerais savoir avec qui vous avez travaillé, quelle a été votre méthode pour tracer ce chemin et faire cette transition numérique. Oui, bien sûr. Mais au final, au sein de chaque défi, on applique toujours plus ou moins la même approche. Donc, on a une approche qu'on pourrait qualifier de prospective participative. Donc, cette approche-là, elle permet justement à différents groupes d'acteurs de faire un travail sur le même projet et de pouvoir se passer la balle entre les différentes activités. Donc, on a des étapes où on veut aller chercher des connaissances qui sont précises, notamment au début, hein, quand on défriche un petit peu le sujet et on essaie de faire le tour un petit peu des connaissances qui existent pour comprendre un peu mieux c'est quoi les balises du sujet, mais c'est quoi également les grandes tendances, c'est quoi les questions irrésolues, où est-ce qu'on manque d'informations. Donc là-dessus, pour ce genre d'étape, on va chercher ce qu'on appelle des experts, mais au sens assez large, des personnes qui ont des connaissances qu'on cherche, que ce soit académique ou professionnel. Ça nous aide en fait à constituer le point de départ de notre chemin de transition. Ensuite, on a l'étape d'après qui veut, elle, davantage définir le point d'arrivée. Donc, une transition, certes, oui, mais vers quoi? Ouais. Donc là, on explore un petit peu les futurs possibles et on fait des ateliers qui sont participatifs. Donc là, c'est ouvert à tous, à tout type d'expertise. Donc, on a des ateliers justement où on explore le futur pour pouvoir déterminer les éléments d'un futur qui serait à la fois possible et relativement souhaitable, relativement inspirant quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre point d'arrivée. Puis là, ensuite, le gros de notre travail, c'est vraiment la constitution du chemin pour relier les deux. Ça, c'est la partie la plus conséquente à chaque fois au sein de chaque défi. Pour ce faire, au sein de chaque défi, on a un comité expert, en fait, qui est composé à moitié d'experts académiques et à moitié d'experts professionnels, qui a pour mandat, grosso modo, d'identifier les grandes étapes intermédiaires pour relier la situation actuelle à ce futur, à cette vision 2040. Et pour les alimenter, parce que forcément c'est un travail qui est complexe, on organise un certain nombre d'activités entre chaque rencontre, parfois de type groupe focus, là quand on va chercher des connaissances très précises sur une thématique. Et parfois des ateliers citoyens quand c'est des questions davantage des questions de valeurs ou de choix politiques ou de choix de ben, comment est-ce que moi j'aimerais que le futur se passe, quel type de mécanisme est-ce que je préférais plutôt qu'un autre. Donc, on a vraiment une diversité de savoir à travers la constitution de ce chemin. Une grosse réflexion, en tout cas. Oui. Donc, dans ce défi numérique, en fait, en quoi, dans cette transition numérique, en fait, en quoi est-ce que ce serait un défi? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement prendre, je pose la question vraiment naïvement, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement prendre les technologies numériques au fur et à mesure qu'elles arrivent et puis dire, ah, oh, voilà, une belle solution, on la met en place et puis on chemine comme ça vers la transition? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire ça, en fait, ce défi, il est de quelle nature? La question n'est pas si naïve, hein, parce que c'est un peu la façon dont on pense parfois de manière générale ou la façon dont on nous présente la problématique. Je pense que la transition numérique en tant que telle, elle a beaucoup de défis, mais nous, de l'angle où on l'attaque, qui est davantage l'angle environnemental, il y a au moins un double défi. Premièrement, on voit effectivement, malgré le catalogue très complet de solutions que la transition numérique nous propose pour un certain nombre de problématiques, y compris des problématiques environnementales, eh bien, ça s'accompagne de l'expansion de l'univers numérique, de la numérisation continue de nos vies. Et ça, cette expansion un peu à l'infini de cet univers numérique, ça s'accompagne d'un certain nombre d'impacts environnementaux, vous le mentionnez en introduction, qui sont déjà relativement conséquents, hein, quand on regarde le numérique comme un secteur. Il représenterait déjà aujourd'hui entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, donc c'est déjà pas rien. Et surtout, quand on se projette un petit peu, on voit que les tendances nous préviennent que ça risque de continuer, ça risque de continuer à grossir, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, mais également la consommation d'électricité, l'utilisation de ressources non renouvelables. En ce sens, on voit que la transition numérique telle qu'elle progresse actuellement, elle est non soutenable. Au regard des limites planétaires et de nos objectifs environnementaux, notamment climatiques. Ça, c'est le premier gros défi. Le deuxième défi, d'un point de vue environnemental, c'est que même si on met de côté la question des impacts, ben on peut même se poser la question de ben, est-ce que nos avenirs tout numériques comme ça, qui auraient, où tous nos services et nos activités seraient numérisées, est-ce qu'elles sont possibles à faire advenir au regard de leurs besoins matériels? Le numérique, on le pense pas en tant que tel, mais vous le mentionnez, c'est une industrie qui est très matérielle, qui a besoin pour fonctionner d'une infrastructure mondiale, et les appareils en particulier ont besoin d'une grande diversité de ressources, notamment des ressources, des métaux, qui sont plus ou moins rares, mais aussi des grandes quantités d'eau, des grandes quantités d'hydrocarbures. Donc même si on le considère pas comme tel, eh bien le numérique, c'est en réalité une ressource qui est limitée, C'est ça. qui est non renouvelable et qui est de plus en plus critique pour nous aider à avancer. Donc il y a quand même une grande tension ici, il y a un réel défi dans la possibilité même de faire advenir toutes nos ambitions Ouais, numériques. finalement, c'est pas une ressource infinie. C'est pas Non. contrairement à ce qu'on peut nous faire miroiter des fois qu'on a un accès illimité, mais en réalité, la ressource à la base de ces solutions numériques ne sont pas illimitées. Donc, il y a effectivement comme un défi à faire converger cette transition numérique et à la faire cohérente avec le besoin de la transition environnementale finalement. Absolument. Alors, vous le disiez, Martin, donc dans cette idée de transition, dans votre démarche, là, donc on part du début, puis on voit. On se projette au loin pour voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, dans le travail que vous avez réalisé, ça ressemble à quoi ce point d'arrivée? Où est-ce qu'on voudrait aller? Ça ressemble à quoi? Oui, donc on a une vision en fait qui est la synthèse des apports des participants. Sur nos ateliers, on avait à peu près 140 participants, donc ça faisait beaucoup de matériel à mettre en synthèse. Donc on a une vision pour 2040 qui représente une société québécoise qui a réussi à faire converger ces deux transitions. Puis les ingrédients de cette réussite, on les a résumés en trois grands piliers. Donc on les appelle des acquis, dans le sens où on y est parvenu en 2040. Il y a un premier acquis qui est celui de la sobriété. Donc tant au niveau de la sobriété, c'est vraiment l'idée de réduire tous les flux de matière et les flux d'énergie associés à la fois à nos usages du numérique, mais également à toute l'infrastructure et les équipements qu'on utilise. On a un deuxième acquis qui concerne, on appelle ça la priorisation collective des usages. Donc de se dire, ben, on a un numérique aujourd'hui, très bien, mais à quoi est-ce qu'on veut qu'il serve? Si on réalise que c'est une ressource qui est limitée, comment est-ce qu'on gère son accès? Parce qu'aujourd'hui, l'accès est de manière est dans les faits très inéquitable. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde a accès à un numérique que l'on considérait collectivement essentiel? Et si on doit couper, bah, où est-ce qu'on estime que collectivement il faudrait couper par rapport à un usage, par exemple, par rapport à un autre ou un secteur par rapport à un autre? Et enfin, on a un dernier acquis qui est celui de la de l'innovation. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir développer des outils technologiques qui nous aident à faire accélérer la transition écologique, tout en s'assurant que leur développement et les modèles d'affaires qui les sous-tendent respectent les limites planétaires. Et pas juste se dire, on va continuer de développer le numérique pour aider la transition sans demander justement de rendre des comptes au regard des impacts qu'elles produisent. Ouais, donc j'ai quand même l'impression que finalement les technologies numériques, il y a cette idée de priorisation, donc c'est de mettre la bonne technologie numérique au bon endroit, là où on en a besoin, et peut-être celles dont on a moins besoin, peut-être ne pas les prioriser. Et puis dans cette idée aussi d'innovation, peut-être que l'innovation c'est pas une fin en soi, faut que l'innovation serve à cette transition effectivement. Donc peut-être bon, faut pas lancer toutes les innovations comme ça à tout va, mais peut-être prioriser aussi, canaliser en quelque sorte les innovations. C'est ce que j'ai l'impression en vous écoutant en quelque sorte. Oui, absolument. Et puis se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une très brève échéance, on a un besoin de réduire de manière vraiment très importante l'impact de nos activités. Donc, il faut qu'on commence à utiliser ça comme une contrainte. On sait que la société vers laquelle on se dirige dans 10, 20 ans n'est pas la même société que celle qu'on connaît actuellement. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de projets d'innovation qui ne se soumettent pas à cette anticipation, justement. Et aujourd'hui, si on les soumettait à cette anticipation des impacts et de ce qu'elles peuvent réellement apporter, ben on prendrait peut-être la décision de ne pas les faire advenir. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir faire un tri, de se dire, ben, il y a des projets d'innovation qui ont vraiment du sens, qui peuvent être porteurs. Ben, il faut qu'on concentre nos ressources, au sens, peut-être un peu littéral, mais nos efforts, notre énergie, même nos financements sur ces projets-là, parce qu'on peut plus se permettre, au regard des limites planétaires, au regard des impacts environnementaux, de juste continuer à essayer dans tous les Ouais. sens. Alors ça paraît quand même assez loin, cette vision. J'ai l'impression qu'on en est quand même assez loin, du moins dans la tête, là, et en même temps proche dans le temps. Alors, on ne peut pas faire ça d'un coup. J'imagine que vous avez établi comme des étapes pour justement sur ce chemin de transition pour arriver à cette vision. Oui, c'est sûr. Quand on regarde la vision de 2040, elle ressemble pas beaucoup à notre société actuelle. Donc le chemin pour s'y rendre, il est pas si évident. C'est un chemin qui est bien sûr ambitieux et qui est complexe là, mais c'est un chemin qui est intéressant, je pense. Il fait appel, comme vous pouvez l'imaginer, une multitude de changements. Donc on a vraiment des basculements dans toutes les facettes de notre vie numérique, hein, que ce soit de la production des équipements, mais aussi des changements au niveau de la production des services numériques, des changements au niveau des lois qui encadrent les fabricants, les concepteurs, et même des changements au niveau de notre culture. Hein, vous le mentionniez, on a un peu cette culture de l'abondance, de l'illimité, et ça, il faut que ça puisse évoluer justement. Et des changements au niveau, par exemple, de la réutilisation de tous les équipements qu'on a sur le territoire, qu'on a tendance à prendre pour acquis et à jeter très rapidement ou à envoyer ailleurs. On a un certain nombre de changements comme ça dans toutes les facettes de la société. Puis le chemin qu'on propose, c'est pas tant une feuille de route de se dire on a tout anticipé, voici étape 1, étape 2, étape 3. C'est plutôt montrer en fait, bah, concrètement, aller à cette société-là, ça prendrait quoi comme grand changement, ça. C'est qui doit changer à quel moment? On essaie d'illustrer un petit peu ça et au final, c'est un peu un point de départ. Là, c'est un chemin qui va être amené à évoluer, qu'on va pouvoir discuter. Peut-être que de nouveaux jalons vont être identifiés, peut-être que certains seront plus pertinents. Mais ça représente vraiment l'ampleur du changement qu'il y a à réaliser en très peu de temps, comme vous le mentionnez. Donc, ça représente en gros toutes les thématiques qui sont identifiées pour faire advenir ce changement. Non, effectivement, quand on lit le document, parce qu'en fait, il y a un rapport qui résume, qui détaille tout ce chemin de transition. Donc, on voit en fait que ce chemin de transition, c'est pas un chemin nécessairement linéaire, mais plutôt un réseau un petit peu avec qui est ponctué de jalons. Vous en avez identifié 33 jalons. Alors, on va évidemment pas passer à travers tous ces jalons, mais vous les avez regroupés en quatre grands blocs. Donc, par exemple, il y a le bloc de l'offre et de la demande de sobriété, le bloc du numérique sur mesure, le partage des ressources illimitées, puis l'innovation guidée par la transition, c'est ce dont on discutait un petit peu. Donc, la demande, donc, par exemple, si on parle du bloc du numérique sur mesure, ce serait quoi? Ça voudrait dire quoi? Juste une petite précision, là vous le mentionnez, mais je pense que c'est un point important. Effectivement, les jalons, on les a constitués pas comme une liste d'épicerie, mais vraiment de manière systémique, en complémentarité les uns avec les autres. Puis c'est vraiment ce caractère-là de la transition, vous le mentionnez, c'est pas une transition qui est linéaire, c'est vraiment des changements qui doivent se passer sur une échelle de à peu près 20 ans. Et il y a certains jalons qui sont des prérequis à d'autres. Donc, on voit vraiment un système au final qui évolue et c'est un système de Trop changement très complet. interconnectés en fait tous ces jalons. Alors il y en a qui sont un Interconnecté, peu c'est plus au bien ça. début, qui arrivent un peu plus au début, qui sont les prérequis à d'autres, mais c'est tous un système un peu interconnecté. C'est absolument pas une feuille de route linéaire là. Complètement. C'est ça l'idée. Mais pour répondre à votre question, le numérique sur mesure, ça regroupe un certain nombre de jalons, peut-être une dizaine ou une douzaine, qui sont liés à la quantification à la fois des impacts reliés aux technologies numériques, on manque d'un certain nombre de chiffres, mais également de la quantification et de l'anticipation des bénéfices qu'ils pourraient permettre d'obtenir avec l'idée que, bah, justement, avec suffisamment d'informations, bah, on pourrait prendre des décisions plus éclairées sur, bah, quel type de numérique est-ce qu'on déploie, sous quel périmètre et qu'est-ce qu'on en attend. En fait, c'est quoi? Ajouter une finalité qui puisse être légitimée par cette quantification et cet effort un petit peu de calcul du périmètre. D'accord. Puis donc, dans tout ce réseau-là, ce jalon, cet itinéraire avec tous ces jalons, en fait, qui va marcher sur ce chemin? Qui va pouvoir s'insérer, faire un bout de chemin sur ce chemin, si je peux dire? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est nous-mêmes aussi en tant qu'individus? Absolument, tout le monde. Donc nous, pour faire simple, en fait, on a réparti l'ensemble des parties prenantes en six grands groupes. Donc vous pourrez aller voir, mais donc il y a bien sûr les acteurs gouvernementaux, les entreprises du numérique, mais aussi nous, à notre échelle, les utilisateurs et utilisatrices du numérique, que ce soit à notre échelle individuelle ou à l'échelle de notre organisation. Puis c'est vraiment ça que le chemin à faire sortir. En fait, on montre les jalons, puis on montre qui est concerné où. Ah Puis on voit de manière générale que tout le monde est concerné à travers toute la trajectoire. Donc, on a souvent au sein d'un jalon plusieurs parties prenantes qui sont concernées. Donc, ça montre l'importance d'agir de manière concertée autour d'une base commune. Puis, comme vous le mentionnez, ces jalons sont interconnectés entre eux. Donc, ça montre aussi l'importance que certains acteurs agissent en amont pour que d'autres puissent agir en aval. On voit que c'est pas juste au gouvernement, c'est pas juste aux entreprises, c'est pas juste aux utilisateurs de changer. C'est vraiment l'ensemble de ces changements qui sont répertoriés par ce chemin. Donc, de manière générale, tout le monde a quelque chose à faire à peu près tout au long de la trajectoire. Ouais, d'accord. Mais alors, en fait, si on les prend là, tous ces jeux-là, vous dites, il y a des jalons qui sont des prérequis. Donc, c'est quoi, en fait, les premiers jalons que vous avez identifiés? Alors, on a un jalon qui, ben je l'ai mentionné, sur toute la question de la quantification, donc le pouvoir, parce que à l'heure actuelle, on a la possibilité d'estimer un certain nombre d'ordres de grandeur en termes d'impact du numérique et de ce que ça pourrait. Les bénéfices qu'il pourrait apporter, mais on manque de standardisation commune, en fait, pour pouvoir comparer, pour pouvoir avoir des estimations qui sont un peu plus larges. Donc, on a quand même un besoin de développer des outils de quantification. Ça, c'est un des premiers jalons. On a un jalon. Quantification de quoi? De nos usages actuels? Non, la quantification de, bah, alors oui, des usages en premier lieu, mais la quantification des impacts reliés à notre utilisation des technologies numériques qui prennent en compte l'ensemble de l'analyse de cycle de vie, donc les équipements également. Également, la quantification de ce qu'ils nous apportent, parce qu'on pourrait décider que certains outils numériques, par exemple, peuvent venir avec une empreinte environnementale qui est forte, mais peuvent avoir des bénéfices, je ne sais pas, en termes de santé ou en termes d'équité sociale qui peuvent être intéressants. Donc l'idée d'avoir un petit peu plus de chiffres, ça c'est un des premiers jalons. On a d'autres jalons qui sont davantage des jalons de sensibilisation. Hein. C'est un sujet dont on parle assez peu. Donc, c'est sûr que pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'autres changements ultérieurs, ben, ça passe par la sensibilisation, bien sûr, grand public au sens large, formation, tout ça, mais ça passe également par la sensibilisation des acteurs gouvernementaux hein, pour lesquels, enfin, qui ne sont pas nécessairement dans ces discussions-là tout le temps. La sensibilisation de tout le milieu de l'investissement hein, et d'essayer de faire développer des critères notamment pour l'accès, je pense par exemple à la commande publique ou des grands investisseurs, justement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent découler de ça. Donc on a un certain nombre de jalons de sensibilisation qui sont des prérequis à d'autres. Et ensuite, en début de trajectoire, on a des jalons qui sont un peu plus proches de ce qu'on connaît actuellement, qui sont des fruits plus faciles à aller cueillir, on pourrait dire. Donc c'est pour ça qu'ils sont en début de trajectoire, parce qu'on voit que c'est qu'il manque pas grand-chose pour qu'on puisse les faire advenir. Et comment donc ces jalons-là vont pouvoir, comment chacun va pouvoir prendre place un petit peu dans ces jalons-là, ou comment finalement, je devrais poser ma question différemment, puisque vous dites qu'un des premiers jalons, c'est la sensibilisation. Donc comment, partant de ce chemin-là, de ce travail qui a été fait, vous allez tenter de le disséminer, de le répandre dans la communauté, dans la société, pour que chacun puisse faire un petit bout de chemin? Oui, donc ben, on a quand même la chance au niveau du projet de chemin de transition. Donc là, on vient de finir toute la partie mobilisation de connaissances. Puis finir, c'est un grand mot parce que ça va être amené à être complémenté. Mais on commence maintenant au sein de chacun des défis une phase de transfert. Donc moi, l'Université Montréal, l'Espace pour la vie, me permettent justement de continuer activement à pouvoir faire du maillage, à pouvoir diffuser ces connaissances-là, à pouvoir rassembler les acteurs qui ont été identifiés autour des jalons pour pouvoir faire en sorte que ces jalons puissent évoluer et puis découler on l'espère, des actions qui puissent faire avancer ce chemin-là. Donc ça, nous, c'est à notre échelle-là, de pouvoir continuer à faire du transfert, mais on est en train de développer des outils pour rendre toutes les connaissances les plus appropriées possibles. Donc par exemple, au sein du rapport que vous avez mentionné, le chemin de base, il est décliné aussi par acteur pour qu'on comprenne assez rapidement, ben voilà, moi je travaille dans le numérique, par exemple, c'est quoi mon rôle attendu sur ce chemin-là? Donc on a une synthèse par acteur et on a les jalons qui ressortent en premier lieu par acteur. Puis en parallèle de ça, pour chaque jalon, on a fait une fiche synthèse de à peu près 3-4 pages, donc c'est pas exhaustif, mais ça rassemble un certain nombre d'éléments quand même au sein de chaque jalon. Par exemple, s'il y a des jalons qui nous interpellent davantage que d'autres, ben de se dire, OK, c'est quoi le rôle de ce jalon sur cette trajectoire? C'est qui les parties prenantes qui sont déjà impliquées? Par exemple, est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent déjà activement sur cette question-là? C'est quoi les obstacles qui ont été identifiés? C'est quoi les opportunités qui ont été identifiées? Et c'est quoi les questions qui restent irrésolues? C'est quoi les choses, un peu les nœuds du futur qu'on appelle les questions à Ah résoudre? oui. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations à aller chercher. Puis, nous, on essaye, par le biais de petites interventions comme celle-ci ou par le biais d'ateliers, de pouvoir les diffuser, de pouvoir les faire évoluer. Est-ce que tous les gens qui ont participé à l'élaboration de ce chemin-là, est-ce que donc ils vont eux aussi contribuer à diffuser un petit peu? Est-ce qu'ils vont continuer le travail? Alors, c'est toujours une question de temps, bien sûr, hein. On ne peut pas sursolliciter les gens qui nous ont gracieusement donné leur temps, mais on a des personnes qui s'intéressent, en fait, qui ont participé à la démarche à plusieurs ateliers ou à un atelier, mais qui continuent de s'intéresser à l'évolution du projet. Donc, je mentionnais des ateliers, par exemple, ça m'arrive ou ça va nous arriver dans un futur proche d'organiser des ateliers avec des personnes qui ont participé peut-être à titre personnel, mais en se disant, ah, mais au final, c'est un chemin ou c'est un projet qui pourrait vraiment intéresser mon organisation. Donc là, on fait un atelier avec eux. Donc, ils participent de cette manière-là, un peu soit en agissant comme des partenaires relais, soit des portes d'entrée parfois pour des groupes auxquels on n'aurait pas nécessairement accès, mais qui pourraient être impliqués ou très intéressés par ces questions. Parce que ça va être intéressant aussi de voir comment ce chemin évolue, comment finalement les jalons sont, entre guillemets, conquis au fur et à mesure. Et là, je me demande forcément, là, vous avez établi une vision aujourd'hui pour 2040, mais c'est du travail prospectif, c'est quand même assez difficile de savoir vraiment ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, est-ce que ce chemin que vous avez tracé, il est là, il est tracé une fois pour toutes, ou est-ce que vous vous attendez à faire des ajustements en cours de route? Alors non, absolument, il est pas du tout tracé une fois pour toutes. Hein. On le met vraiment comme un point de départ des discussions et des réflexions. L'idée, c'est qu'il puisse servir justement comme ancrage un petit peu, d'avoir des repères communs. Mais ensuite, lui, le chemin, il est parfaitement, enfin, il est parfaitement modifiable et ajustable compte tenu de l'évolution même du contexte international. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas anticiper ou qu'on aurait peut-être pu anticiper qu'on n'a pas anticipé. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ce chemin va évoluer. Puis c'est un peu ça la richesse aussi de ce travail-là, je pense, de pouvoir voir, est-ce qu'il y a c'est ça, de nouveaux jalons qui peuvent être construits? Est-ce que certains jalons, au final, on pensait les atteindre en 2032, on les a quasi atteints en 2027, ce qui permet de débloquer un certain nombre d'autres changements. Est-ce qu'un jalon à l'inverse, on pensait très facile, il y a d'autres obstacles qu'on n'avait pas identifiés, donc il faut le ramener par la suite. Comment est-ce qu'on peut quand même atteindre la vision? Il y a tout un travail qui peut être fait à partir de ce chemin. Quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'on va avoir une réévaluation annuelle ou aux 3 ans ou aux 5 ans? Ça, je ne peux pas encore le dire parce qu'on vient de sortir le rapport il y a à peu près un mois. Donc, il faut voir aussi à quel point on arrive à susciter de l'engouement de la part des différentes parties prenantes. Mais en tout cas, il y a cette volonté, bien sûr, de faire évoluer ces connaissances pour pas qu'elles soient figées. Ça n'aurait pas de sens, comme vous le dites, au regard de l'incertitude de la transition et de l'espace-temps qu'on essaie de couvrir. Justement, ce rapport, en fait, on le trouve où? On le trouve sur notre site internet, donc chemindetransition.org, chemin au pluriel. Si vous tapez chemin de transition, défi numérique sur internet, vous devrez le trouver assez rapidement. Très bien. Bah, merci beaucoup, Martin Deron, de nous avoir montré ce chemin de la transition numérique. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous étions en compagnie de Martin Deron, qui est chargé de projet du défi numérique au sein des chemins de transition, qui, je le rappelle, est une initiative de l'Université de Montréal et d'Espace pour la vie.